Il y a des jours où on penche, il y en a d'autres où on plie, il y a ceux où on flanche. Moi j'ai flanché. Il y a des jours où il vente, il y en a d'autres où il pleuvait dans ma chambre. J'ai flanché. J'étais si bas ce jour-là que je ne faisais pas d'ombre. J'étais si seul ce jour-là que je ne pouvais pas descendre plus bas. Il fallait que je le dise, je l'ai dit à la rivière. Elle m'a si bien écouté que du haut du pont je m'y suis jeté. Ah, que j'étais bien dans ses bras. Je me suis laissé descendre au plus creux de son lit. Elle n'était pas bien grande. Je me suis plié. Et je me suis laissé prendre comme on ne m'a jamais pris, moi qui veux toujours prendre. Je me suis donné. Que j'étais bien dans ses bras, si bien à marée haute, qu'au plus large de ses côtes, je me suis laissé couler. Je l'ai dit à la rivière, elle m'a si bien écouté que du haut du pont je m'y suis jeté. Ah, que j'étais bien dans tes bras. Il y a des jours où on coule jusqu'au plus profond, sans crier au secours.